Pour pas faire d'instruction supramentale, une nouvelle Bible qui va remplacer la croyance en Jésus-Christ, là. Ben non, faut pas que ça devienne une nouvelle religion, faut pas que ça devienne une doctrine, pis, parce que ça va devenir tout ça de toute façon. L'affaire, c'est que ça part dans différents sens. Puis, continuer à rester là. Centrique en dépit de tout ce qui se passe pour pas sombrer dans la folie ou comme certains malheureusement dans le suicide là, ouais. Ben oui, puis pourtant, il y en a que. Il y a une affaire, moi, qui m'avait marqué, c'est un enregistrement, là. Il y a du monde dans la salle, puis il a l'air d'en avoir pas mal, mais c'est un audio. Puis il dit, il y en a beaucoup parmi vous autres qui vont se suicider. Puis quand j'avais entendu ça, je sentais la vibration que c'était vrai. C'était tellement vrai. Puis par après, quand j'ai côtoyé du monde qui avait été séminariste, dans le sens de de communiquer avec eux autres, puis au bon moment donné, j'étais allé à Montréal, puis j'ai rencontré. C'est sûr, dès qu'on pense qu'on a l'affaire, on est en danger. Dès qu'on pense qu'on a compris de quoi, c'est parce qu'on n'a rien compris. Puis moi, je peux pas, tout ce que je peux me fier, c'est pour ça que j'ai beaucoup été dans la recherche, mais au niveau de choses que je peux tester puis vérifier, ou avec lesquelles je peux expérimenter. Parce que, puis même les expériences internes que j'ai psychiques, puis je donne pas de valeur à ça. Je peux pas. Puis je suis rendu à un point où je donne pas de valeur à ma vie pour pas la perdre. Parce que c'est un peu ça, quelqu'un qui se suicide. Il va donner tellement de valeur à son expérience qu'il n'a plus envie de la subir. Or, qu'on devrait prendre l'autre chemin, genre donner de la valeur à notre expérience pour se transmuter. Pour pas souffrir pour rien, ou au moins souffrir pour quelque chose.